Commande à la peine, je t'offre une chanson, mais fan toi, tu m'as toujours été fidèle. Je jette à ton feu ardent mes vaines émotions, mes peines et mes tourments, qui ne restent ni enfouis en mon corps par peur de le consumer, ni occulter encore de peur qu'il ne revienne plus fort. Alors, je ne pourrai les dominer. Comme aide à la paix, je t'offre le serment de toujours te servir. Toi qui dépires plus et commander à la beauté de jaillir. Fais s'il te plaît, comme tu l'as toujours fait, transforme mes mots en un simple élixir. Comme humble présent, je t'offre mon corps, mon cœur et mon temps. Toi qui m'offres la lueur quand tout m'apparaît noir, et dans l'espoir qu'un jour se comble, les filles qui sont les miens, je te les donne. Toi qui t'incombe d'en faire des plats, je te donne mes tripes, toi qui t'offres mes petits doigts, je te les donne et te sens dédité. Je te donne mon souffle, toi qui sauras l'utiliser, et je te donne mes notes, toi qui sauras les placer. Alors ne sois pas jalouse de l'être à qui je veux du bien, car je t'offre cette lettre à toi qui entretiens le mien. Et même si le tien me fait tenir jusqu'à demain, j'ai besoin de son amour aussi, car je suis un humain. Je suis un humain. Je suis un humain.